sont perdus. Ils ont les mains tendues. Ils ont tout eu. Faudrait leur pardonner. Ils sont perdus. Ils ont les mains tendues. Ils ont tout eu. Faudrait leur pardonner. Chaque prod, c'est une balade. A chaque fois que tu parles, c'est une balade. Manger à la pleuta. Ça vient du rock, ma pas de meuda. Faudra te lever tôt pour en demander. 90% c'est des mendiants. Ce qu'ils font de mieux, c'est nous gratter. Ils voudraient que je leur avance le montant. Elles font les belles, elles font les pillantes. Ils font les choses, ils ont le nez plein de c'est. Ils savent même plus sur quel pied danser. Ils sont perdus pour le paraître. Elles font les belles, elles font les pillantes. Ils font les choses, ils ont le nez plein de c'est. Ils savent même plus sur quel pied danser. Ils sont perdus pour le paraître. Ils sont perdus. Ils ont les mains tendues. Ils ont tout eu. Faudrait leur pardonner. Ils sont perdus. Ils ont les mains tendues. Ils ont tout eu. Faudrait leur pardonner. Sans famille ou sans principe. Pour la cote pour être populaire. De la pote à la future star. Sont prêtes à lécher des boules. Pourquoi tu te refais le boule? Y'a pas de pote dans cette industrie. Y'a que des putes qui ne portent pas le stream. Les nuits de la ville sont remplies de perles au regard vitré. Étudiant de bonne famille. Une heure du matin en train de vomir sur mes yeux. Et oui t'as beaucoup d'amis. Des créateurs professionnels et des envieux. Ramène pas ta grosse studio. Tu risques de perdre une collaboration. Tu gagnerais plutôt une confrontation. Ils sont perdus. Ils ont les mains tendues. Ils ont tout eu. Faudrait leur pardonner. Ils sont perdus. Ils ont les mains tendues. Ils ont tout eu. Faudrait leur pardonner.